de chanter avec moi, c'est ce que tu devrais faire. Chante avec moi, as-tu mieux à faire que de chanter avec moi pour une fois? Il y aura son jour de gloire. J'ai vu ça dans...